connaît le secret d'un trésor merveilleux. Les distances sont inconnues. On les dit infinies. La Terre est là. La Terre est proche. Nous volons à 1000 pieds. Paris à virer de bord. Cap Sud-Sud-Est. Elle a passé une grande partie de sa vie sur l'eau. C'est une pionnière de l'océanographie. Anita Conti se plaisait à raconter qu'elle avait su nager avant de savoir marcher, tour à tour journaliste, scientifique, photographe et écrivaine. Cette voyageuse infatigable a partagé le quotidien de pêcheurs à bord de chaluts à vapeur au large du Canada ou sur des pirogues dans les eaux chaudes qui bordent l'Afrique. Elle a su observer et décrire avec justesse leur univers. Elle est aussi une des premières à avoir pris conscience que les ressources de l'océan n'étaient pas inépuisables. Avant tout le monde, elle a alerté sur les dégâts de la surpêche et sur l'effondrement des stocks de poissons. Son fils adoptif, Laurent Giraud-Conti, s'attache à faire connaître au plus grand nombre la vie et l'œuvre de cette voyageuse visionnaire. Il a notamment publié un récit inédit d'Anita Conti aux éditions Payot, Le carnet viking, 70 jours en mer de Barents. Cet après-midi, Laurent Giraud-Conti nous emmène dans le sillage de celle que l'on surnommait la Dame de la Mer. Pourquoi voyagez-vous à bord des bateaux, Anita Conti? Peut-être parce que l'océanographie, cette science récente, qui est née de toutes les autres, puisque elle a besoin de toutes les autres pour pouvoir faire des progrès, révèle un monde nouveau, que les animaux marins sont extraordinairement sensibles et qu'en suivant les animaux marins, on remonte presque aux origines de la Terre. Au fond, le sang, ce n'est jamais que du sérum d'animaux marins. Mais est-ce que vous croyez que d'être à bord ainsi sur des navires de pêche, c'est une place pour une femme? Oh, je n'y ai jamais songé. Jamais, je pense que personne autour de moi n'y a songé. Je suis tout naturellement à cette place. Et lorsque je veux passer d'un navire sur un autre, ceux de l'autre navire m'accueillent avec déférence, amitié. J'imagine et je ressens que je suis partout, vraiment chez moi, accueilli. Bonjour Laurent Giraud-Conti. Bonjour. C'est parce que Anita Conti se sentait partout chez elle qu'elle a tant aimé voyager. Oui, elle disait « je suis un coup de vent » à la fin de sa vie, avec une voix beaucoup plus profonde que celle qu'on vient d'entendre, un peu perchée. Et puis j'ajoute, à propos du carnet viking, 70 jours en mer de Barents, mais à quelle époque? En 1939, ouais. Elle part en juillet, elle rentre en fin août, 3 jours après c'est la guerre. Ouais. On aura évidemment l'occasion de revenir hein, sur ces voyages. On l'entendait parler d'océanographie naissante hein, dans cet extrait. C'est une véritable pionnière de cette discipline. Avant elle, peu de choses ont été faites dans l'étude des océans. Alors avant, l'océanographie, avant la Seconde Guerre mondiale, c'était de la cartographie avec de l'échantillonnage. Et comme elle le précise très bien, l'océanographie était un grand sac qui faisait appel à toutes les sciences. Et l'océanographie s'est vraiment spécialisée après-guerre grâce aux techniques modernes. Et elle fait partie de ces derniers pionniers du 19e, avec les techniques du 19e qui sondaient la mer à des points sur des endroits bien particuliers, avec des méthodes absolument ahurissantes qui étaient dérouler un fil de 10 km de long pour aller toucher un fond improbable et en ramener quelques échantillons grâce à une boule de suif qui captait les sédiments, etc. Et donc, l'océanographie est née d'abord par la Marine nationale qui faisait de la cartographie des fonds et la cartographie de la pêche. C'est ce qu'a instauré Anita avec l'OSTPM, l'ancêtre d'IFREMER, l'Office scientifique et technique des pêches maritimes, la cartographie des fonds de pêche. Alors elle n'était pas seulement océanographe, hein, elle était aussi photographe, écrivaine. Elle a raconté dans ses livres le monde de la mer et des pêcheurs avec beaucoup d'intensité et de justesse aussi, une acuité incroyable. Voilà, enfin, ses deux passions c'était la mer et les livres. Elle a réussi à combiner les deux pendant pas mal de temps et la guerre a tout bouleversé. Et effectivement, en tant qu'océanographe, elle était détachée sur les navires de pêche pour faire les observations, et puis elle faisait plus que ce qu'on lui en demandait. Elle ramenait ses comptes rendus, mais elle prenait des notes à titre personnel, et elle photographiait. Et ces notes sont... C'est une plume avec un élan, avec une vision qui nous alerte, mais une vision métaphorique aussi sur le monde maritime qui nous renvoie à nous-mêmes, et puis aussi le regard d'une femme. Oui. Et qui est unique à cette époque-là. Alors, le regard d'une femme, on l'entendait justement dans ce premier extrait. On lui pose la question, est-ce que votre place est vraiment d'être parmi ces hommes, dans cet univers d'hommes? Et elle répond avec simplicité et élégance, mais elle balaye vraiment la question en disant, je ne me pose même pas la question. Elle c'était en vrai va en touche. Oui, alors elle se posait pas la question pour nous épargner en fait des vicissitudes auxquelles elle s'est confrontée, parce qu'une femme dans la marine ne remplissait aucune case. Ouais. Et moi, quand je l'ai connue, donc elle avait déjà 85 ans passés, et elle n'avait pas de sécu, elle n'avait pas de retraite. Elle était inconnue, quoi. Je veux dire, vraiment, elle était méprisée, ignorée du monde administratif, alors qu'elle avait rempli une mission importante en temps de paix, en temps de guerre, sur le monde maritime, sur les dragueurs de mines en temps de guerre. Enfin, c'est assez ahurissant. Et donc, effectivement, elle nous épargne par élégance, une sorte de fierté aussi qui lui appartient, et par dignité. Mais elle nous épargne de toutes les vicissitudes auxquelles elle a eu affaire, ouais. Évidemment. Alors vous êtes, hein, Laurent Giraud-Conti, le fils adoptif d'Anita Conti, vous venez de nous dire, je l'ai rencontrée quand elle avait 85 ans. Comment s'est passée cette rencontre? Où a-t-elle eu lieu? Symboliquement, c'est extraordinaire, c'est pas loin d'ici, sur une péniche. Donc la à péniche, Paris? En plein Paris, la péniche Saint-Paul de Jacques Rougerie au pont de la Concorde. Pour le lancement d'un livre sur lequel cette péniche, un certain nombre de monde, de personnes étaient invitées, pour lancer un livre qui s'appelait Les enfants du capitaine Nemo, dont j'avais fait la couverture en tant qu'illustrateur. Et donc, on me l'a présenté, Anita Conti, Laurent Giraud, et puis voilà, l'amitié est née, la rencontre, elle m'a impressionné parce que c'est une femme adorable, touchante, une petite dame qui payait pas de mine comme ça, et puis dès qu'elle parlait, ses yeux brillaient et elle ouvrait un monde. Et donc, j'ai eu accès à ce monde. Elle m'a invité une fois chez elle, deux fois. L'amitié est née. Et dans l'amitié, j'ai découvert qui elle était, ce qu'elle avait fait. Et puis, ce décalage entre une vie énormément remplie et une réalité d'une personne âgée qui était très marginalisée. Ouais. Avec cette passion pour la mer qu'elle a toujours eue, d'où lui venait cette passion pour la mer? Alors, elle dit effectivement, j'ai su nager avant de savoir marcher. Oui, c'est vrai ça, c'est la légende. C'est une formule assez jolie, mais qui est pas tout à fait, qui est presque vraie, je pense, parce qu'on lui a répété que son père, qui était médecin, l'aurait plongé à l'eau quelques semaines après sa naissance. Et bébé nageur avant l'heure, son père était un fervent des pratiques hygiénistes de la fin du 19e, enfin vraiment l'air, la nature, le développement du corps, enfin bon, tout ce qu'il fallait faire pour une vie saine, etc., le grand air et tout. Et donc il a plongé bébé, la petite Anita de quelques semaines, elle est née au mois de mai, donc on peut imaginer début juin, voilà, allez hop. Ce qui est sûr, c'est que son enfance a joué un rôle dans sa vocation, elle semblait le dire en tout cas. Dès que des enfants se trouvent avec des gens qui travaillent, ils font ce qu'ils voient faire. Les gosses qui se trouvent dans des endroits où on les fait promener sans rien faire ne font rien. S'ils voient un filet remonter avec des poissons, que le patron du bord ouvre les poissons, les gosses sont autour, ouvrent les poissons. Moi, j'ouvrais les poissons comme les gosses du patron. Et j'étais très surprise de ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que je ne trouvais pas ça peut-être très propre ni très joli. Mais c'était très étrange. J'ai vu, étant toute petite fille, un assez gros poisson. On lui ouvre l'estomac et il en sort un. Et puis de celui qui était à l'intérieur, qui était déjà encore assez gros, il en sort un autre. Vous comprenez qu'une curiosité comme celle-là, cela émerveille une jeune créature. Moi, j'ai été émerveillée. La curiosité émerveillée d'Anita Conti, c'est un de ses moteurs pour avancer, la curiosité. Oui, il me revient une petite phrase, elle disait « Tout enfant, je ne suis rien, rien que l'espace et le grand vent ». Et on imagine cette fillette avec ses parents, avec les amis de ses parents, qui sont peut-être les premiers océanographes aux stations de Roscoff ou de Concarneau, qui fait de l'échantillonnage comme ça sur le littoral et qui assiste à ces scènes et qui les merveille. Alors elle va prendre la mer assez tard finalement, elle va voyager étant jeune, mais elle a une première vie, une première carrière en tant que relieuse d'art où elle excelle, elle se fait remarquer notamment par Blaise Cendrars, elle est connue sur la place de Paris pour son travail de relieuse d'art, et puis un jour elle prend la mer. Alors c'est pas un jour elle prend la mer, je pense que elle s'est familiarisée avec ce monde du littoral. Ses parents ont des connaissances dans le milieu. Elle a un oncle ou un lointain cousin, je crois, qui est armateur. Et donc, elle bénéficie de ces relations qui lui permettent de s'embarquer. Et par curiosité. Et donc, elle passe du lamé au ciré, on pourrait dire. Et donc, elle s'embarque et, par ailleurs, elle s'engage dans cette carrière de reliure. Et tout à coup, les embarquements, elle prend des notes, elle elle fait des articles pour la presse. Elle commence à faire du journalisme. Voilà, voilà. Elle rédige des articles pour la presse pour alerter, par exemple, de l'hygiène des bassins pour élever les huîtres. Et elle se fait remarquer par l'OSTPM qui décide de l'engager. Et donc, pendant une dizaine d'années, elle va alterner les embarquements, l'observation du monde maritime, l'océanographie, donc, et d'un autre côté, les livres par la reliure. Ouais. Et puis, il y a quand même un basculement. À un moment donné, on sent quand même que l'appel du large est plus fort que tout. Oui, mais vraiment, ce qui vient tout bousculer, c'est la guerre. Parce que elle aurait pu, je pense, continuer ses deux activités, mais la guerre vient tout bouleverser. Et donc, elle plie toutes ses malles de travail. Elle replie ses notes de carnet viking qui devaient être publiées à cette époque-là. Et puis, elle s'engage sur les dragueurs de mines en 39. Vous allez nous raconter, Laurent Giraud-Conti, comment Anita Conti va s'immerger dans cet univers de la marine et des pêcheurs, trouver sa place à bord, le temps d'un bivouac dans le sillage de la Dame de la Mer sur France Inter. Sekouba Bambino, c'était It's Man's World sur France Inter. Naviguer sur un navire de plaisance, ça n'existe pas pour moi. Parce qu'il n'y a pas cette espèce de violence cérébrale qui existe sous le crâne d'hommes qui sont alliés uniquement pour la valeur des gestes. Alors, il y a un équilibre physique, un équilibre musculaire, un équilibre cérébral. Il faut des hommes de premier plan, de premier équilibre, pour pouvoir agir en nombre et en coordination pendant des mois. La fascination d'Anita Conti pour l'univers des marins-pêcheurs. Laurent Giraud-Conti, pour Anita Conti, il n'a jamais été question de partir en croisière, hein, de prendre la mer sur un navire de plaisance. Ce n'est pas ça qu'elle cherchait. Absolument. Le monde de la mer, en plus, et Anita est née à la fin du 19e. Donc la mer était un univers hostile, vrai, véritablement pour les gens à l'époque. Et donc, le monde de la mer, c'est un espace de travail où l'homme... est dans un univers hostile et il doit être confronté à des, il est confronté à des éléments au péril de sa vie à chaque instant. Et on va pas sur la mer pour le loisir, on y va pour travailler, on y va pour observer, pour extraire. On appelle ça la pêche, mais c'est pas de la production, la pêche, et ça, elle le précise de nombreuses fois. La pêche est une extraction, c'est une chasse, c'est un mot pudique pour dire la chasse. Et donc, ce milieu-là, pour les hommes qui y travaillent, elle a une admiration, on le sent dans sa voix. Elle tourne autour de la thématique du geste, mais elle a une admiration. Et elle exprime cette admiration, là, par la parole, mais par ses textes, par ses livres, par ses récits et ses photos. Elle approche l'homme de très près. Elle cadre avec il n'y a pas de zoom sur son appareil photo. C'est un appareil moyen format. Elle s'approche, elle fait des portraits et elle a une grande admiration pour les marins. Oui. Alors, vous avez publié en 2018, Laurent Giraud-Conti, un récit inédit d'Anita Conti, Le Carnet Viking, 70 jours en mer de Barents. Ces 70 jours se passent en 1939, hein, vous nous l'avez rappelé. Ah oui, c'est important, ça. Elle embarque avec ceux que l'on appelle les Terres Neuvasses. Qui sont-ils, les Terres Neuvasses? Alors, les Terres Neuvasses, effectivement, c'est un mot qui est en train de, qui passe un peu aux oubliettes. Mais c'était donc ces pêcheurs de morue et qui pêchaient précisément à Terre-Neuve, mais pas uniquement. Il y avait trois grands espaces de pêche au large de Terre-Neuve, au large du Spitzberg et en Islande, effectivement, les pêcheurs d'Islande de Pierre Loti. Et à l'époque, hein, les départs des Terre-Neuvasses, ces marins français pour les eaux de Terre-Neuve, étaient un événement. Tendez l'oreille, l'archive date de 1938. Les cloches de Saint-Malo tintent à tout voler sur les remparts de la vieille cité des Corsins. C'est aujourd'hui le pardon des Terre-Neuve. Terre-Neuve de Bretagne, dont c'est aujourd'hui la fête, les gars de Bretagne qui vont s'en aller vers les bancs de Terre-Neuve, accomplir leur ruse, leur terrible tâche, pêcheurs de morue. C'est en tant qu'océanographe qu'elle embarque avec les Terre-Neuve, Anita Conti? Oui, voilà, il y a très peu de bateaux de recherche. Donc, certains scientifiques étaient détachés à bord des navires. Et il faut imaginer ce qu'on vient d'entendre. Là, ça relate bien l'imagerie de l'époque. Il faut imaginer, ce sont des bateaux avec 60 hommes qui partent pour 3 mois. C'est-à-dire que c'est un petit peu... à Saint-Malo, mais c'est à Fécamp, c'est à Bordeaux. Toute la ville vient accompagner le bateau qui part parce que les hommes... Il est possible qu'il ne rentre pas. Ouais. Et c'est un événement à chaque fois. Elle s'intègre facilement dans cet univers exclusivement masculin à cette époque? A priori, oui. Moi, j'ai rencontré quelques-uns des marins qui ont embarqué avec elle, avec lesquels elle avait embarqué, plutôt, je dirais. Et au contraire, les hommes étaient fiers de l'avoir à bord parce qu'elle avait déjà une réputation. Et c'était une figure de proue, c'était même un gage de sécurité. Elle était aussi un peu infirmière à bord et elle avait un rôle un peu de grande sœur, de voilà. Et bon, elle a réussi à se faire intégrer, malgré évidemment tous les a priori et les tabous qui existaient à cette époque. Alors, elle embarquera aussi de nouveau en 1952, hein, toujours à la rencontre des Terre-Neuve, mais cette fois sans mission officielle. Et je vous propose d'écouter un récit. Donc, elle est à bord du bateau Le Bois Rosé, qui là encore pêche. Je lui laisse le soin de raconter une expérience vécue à bord. Nous ne pêchions plus, nous étions à Terre-Neuve, et il y avait 8 ou 10 jours qu'on ne pêchait plus. Or, nous avions un capitaine extrêmement intelligent. Ce capitaine m'a dit, entre minuit et 4 heures du matin, « Madame, il faut nous sortir de là parce que ça va mal. L'équipage est enragé, nous ne pêchons pas, donc il faut calmer l'équipage. » Alors j'ai une idée. En ce moment, nous pêchons des apocales. C'est le requin des mers froides qui arrive à 8-10 mètres. Et le capitaine m'a dit, voilà, le prochain apocale qu'on pêche, vous allez rentrer dedans, c'est la belle qui va être avalée par la bête, on va prendre le cinéma et je vais vous délivrer. On a le requin par la queue, le capitaine demande au second un grand coutelas, il fend le ventre du requin qui était allé le long du bord, mais très haut, à 4 ou 5 mètres. Alors, à ce moment-là, le bateau s'est mis à rouler, il est sorti. Les foies, qui faisaient au moins 300 ou 400 kilos, l'estomac qu'on a crevé, qui a dégouliné jusqu'à 5 mètres, on a vidé la bête comme un magasin, puis 2 hommes m'ont pris sous les bras et m'ont hissé et entré dans le requin. Mais à ce moment-là, le bateau a roulé un peu plus fort, la fente s'est rouverte, et au roulis du navire, à pleine volée, les 4 fers en l'air, j'ai été balancé à 4 ou 5 mètres et étalé sur le bois du pont, parmi les morues, glissé, couverte de sangouin, parce que tout ce qui était dans l'intérieur de la bête m'avait dégouliné dans les yeux. Alors, je me relève, et moi, puisque j'étais de service pour le cinéma, je souris. Mais imaginez un monstre couvert de sang, couvert d'huile et de saloperies variées, souriant devant 40 hommes qui attendaient le tableau. Ils ont été pris d'un tel fou rire d'horreur. J'étais tellement sale, tellement dégoulinante de sang, que les hommes ont tellement ri qu'on m'a rattrapée par les épaules, on m'a rentrée dans le requin, on m'a ressortie par l'autre ouverture. Et la réussite a été tellement magnifique que 48 heures après, le capitaine avait raison. Les hommes avaient ri de tout leur cœur. On a changé un peu de lieu de pêche, on a ramené 5 tonnes de morue, tout le monde était content. Elle avait de l'humour, Anita Conti. En tout cas, elle raconte ça comme une bonne blague. On a l'impression qu'elle paye beaucoup de sa personne lors de cet événement qu'elle raconte avec le recul, évidemment. Oui, et puis ça témoigne vraiment de son humour, de sa fantaisie. Autant elle pouvait être sérieuse et nous alerter, de pointer des réalités, autant aussi elle pouvait avoir ce détachement d'elle. Et puis cet humour qu'on ressent, cette fraîcheur, comme une enfant, vraiment. Et là, à sa voix, là, elle a 90 ans environ, là, et elle raconte ça comme une enfant, vraiment. Ouais. Il y a ce terme qu'elle emploie, sangouin. C'est un terme qu'elle a inventé. Voilà, alors c'est un terme qui associe l'eau de mer, la pluie, le sang des poissons, cet humus que sécrètent les poissons autour de leur peau. Et puis tout ce qu'on peut trouver sur un bateau, qui peut être du gasoil ou du charbon, enfin voilà, c'est tout ce mélange, et le mot est magnifique, sangouin. Ouais. On le trouve pour la première fois dans Racleur d'océan. Dans Racleur d'océan, voilà, oui, il apparaît dans Racleur d'océan, dans Carnet Viking, non, il apparaît pas. Ouais. Elle parle de ces différents éléments qui sont associés, qu'elle associe dans certaines scènes, mais le mot n'apparaît pas. Racleur d'océan, c'est l'un de ses ouvrages les plus connus, peut-être le plus connu, paru en 1954, best-seller, ouais. Qui lui vaudra les honneurs du monde littéraire. Oui, à l'époque, elle a le prix Viking, qui est un prix à l'époque qui est assez important. Et puis c'est vrai que c'est un livre qui va être traduit en Angleterre et en Espagne, en Allemagne aussi à l'époque. Et donc effectivement, c'est un livre qui l'a révélé. Et puis on attendait depuis très longtemps un livre de la Dame de la Mer. Il faut expliquer qu'avant, entre le Viking et le Bois Rosé, le Viking en 39 et le Bois Rosé en 52, il y a deux années absolument ahurissantes entre 41 et 43, où Anita passe d'un navire à l'autre sur la mer Méditerranée et l'Atlantique au large de l'Afrique sans poser pratiquement le pied à terre. Alors que tous les navires de pêche sont suspectés, et toute la marine même française est suspectée à la fois par les Allemands, à la fois par les Anglais. Et là, il y a des bateaux qui vont couler, éperonnés, mitraillés, etc. Et Anita passe d'un de ces navires à l'autre pour faire les cartes de pêche sur des zones inconnues. On reviendra sur cette période africaine, effectivement, parce que les expériences à Terre-Neuve sont distantes de plus d'une dizaine d'années. Exact. Et entre les deux, évidemment, il y a eu la guerre, ouais. Et l'Afrique. Je vous propose d'écouter un extrait de Racleur d'océan. Le capitaine n'a pas d'ordre à crier. Il fait nuit. Le vent passe à 30 000, classé. Personne ne sent le froid. Il faut finir de ramasser le poisson et aller vite. Ça forcit. Les manœuvres dormantes se couvrent de glace. L'amarrage du cul de chalut résiste. Les gars bondissent. Il faut se garer des masses d'eau, sauver le poisson. À la seconde présente, c'est l'affaire des hommes. Leur affaire à eux seuls. Après, si la tempête continue à forcir, c'est l'affaire du bateau. Chacun la sienne. Les gars se grouillent. L'eau gicle. Les morues qui attendent à l'air sont comme des morceaux de cailloux. C'est gelé, raide. Le ciel s'est éclairci. Les vents chassent les nuées. Alors, de l'horizon à gauche, qui est à l'ouest, jaillit une fusée. Elle monte et se courbe. C'est un point d'interrogation. Il brûle d'un feu froid, vert. Marionnette, disent les hommes. Venue de droite, d'autres flammes ont jailli. Elle monte vers le zénith. Au ras de la planète, nous sommes sur un océan noir de colère. Et au-dessus de nous se déchaîne un jeu céleste. Toute la nuit, les plus classiques phénomènes d'aurore boréale ont couru dans l'air glacé. Dessous, giflés d'eau, secoués de vent, les hommes travaillaient à réparer le chalut. Canard, un des mousses, s'était durement écorché la main. Il riait, orgueilleux. Pas la peine de pansement, dit-il. Le sang se caille avec la glace. Et il rechargeait les aiguilles, coupait les amarrages. Face au projecteur, le capitaine releva son visage. Et tous, même ceux des garçons de 16 ans, se marquaient de ces rides profondes, celles de l'effort contre soi-même, contre le froid, le sommeil. « Un extrait de Racleur d'océan d'Anita Conti, lu par Bernard Alouf. Après 30 ans de navigation, de travaux océanographiques et d'articles de vulgarisation, Anita Conti, avec ce livre, est reconnue enfin comme une véritable écrivaine, Laurent Giraud-Conti. Oui, elle est reconnue et c'est le paradoxe, c'est le moment où elle n'a plus de mission officielle. Et tout ce qu'elle va entreprendre ensuite, à partir des années 50, ce sera sur sa propre initiative, avec ses propres fonds. Des fois, elle a un petit peu d'aide d'amis qui la soutiennent. Mais vraiment, c'est un gros paradoxe. Mais en même temps, effectivement, ça lui ouvre une réputation sur laquelle elle va s'appuyer. Et donc, qui va faire en sorte que dans chacun des ports qu'elle va atteindre, elle pourra dire « Je suis Anita Conti » et elle va où elle veut. On entendait dans cet extrait le regard aiguisé, la précision avec laquelle elle rend compte de l'ambiance et du tempérament des hommes sur ces bateaux. Oui, alors ça c'est... Voilà, oui, on a pu entendre là ces mots, ces phrases. Et parfois, elle décrit le réel très précisément et tout d'un coup, elle ouvre le réel sur une autre dimension. Moi, ce qui m'a touché, c'est quand elle, par exemple, des petites phrases qui me reviennent, chaque bateau sur la mer représente le clocher de son village. Quand on remonte le chalut, on remonte l'inconnu. Chaque bateau sur la mer avance avec son cercle d'horizon. Voilà, des phrases comme ça, ça parle à un marin, ça parle à un poète, à un philosophe, et à celui qui ne connaît pas. C'est des images qui nous renvoient à d'autres images, et chacun peut y amener quelque chose de personnel, d'intime, et puis ça, c'est de la poésie, quoi. Voilà. Ce regard très aiguisé, on le retrouve aussi dans son travail de photographe. Mm-hmm. D'ailleurs, vous êtes venu, vous avez posé sur la table l'appareil photo, l'un des appareils photo d'Anita Conti. Vous pouvez le décrire, cet appareil photo avec lequel elle a pris des clichés superbes. Les connaisseurs comprendront, c'est un Rolleiflex. Format 6-6, c'est à ce qu'on appelle un moyen format, donc ce sont des négatifs assez grands, carrés, et il y a deux objectifs, celui qui prend la photo et celui par lequel on vise. Ouais. C'est pas un réflexe, donc. On le regarde par le dessus, hein, on vise le viseur, sur le dessus de cette boîte rectangulaire. C'est une boîte, voilà, le Rolleiflex. Un appareil très simple à manipuler. Très fin, très précis, mais qui est robuste si on fait attention. Et oui, il a l'air impeccable. On a du mal à imaginer qu'il a eu à recevoir les embruns, à subir la houle et le roulis de ces grands chaluts. Il est impeccable, cet appareil photo. On a l'impression qu'il est neuf. Oui, et je continue à l'utiliser. Quel genre de photographe était-elle? Quels clichés vous reviennent en mémoire? Quels sont ceux qui vous ont le plus marqué? Alors, il y a un cliché qui est assez connu, qui a été pris sur le Viking, justement, en 39, qui est une photo qui est un peu comparable à celle de Riboud, le peintre de la Tour Eiffel, qui, elle, a été faite en 52 ou 53, si je me souviens bien. Et là, en l'occurrence, sur le Viking, on voit deux marins qui sont grimpés sur les cheminées du Viking pour le nettoyer. Et il y a un basculement dans l'image. Alors là, les deux marins ne peignent pas la cheminée, ils la nettoient. Mais voilà, il y a une sorte de similitude dans le cadrage, dans l'évocation, un peu comme ça, surélevée. Évidemment, là, le peintre de la Tour Eiffel, il est vraiment en hauteur. Et les deux marins le sont aussi sur la cheminée de ce navire. Et voilà, il y a une image là qui est très forte. Il y a aussi une autre image où sans doute Anita est dans le mât et elle prend les marins en train de travailler les morues, de les trancher, de les décoller, etc. Et il y a un marin qui lève la tête et qui regarde Anita. Et les marins, ils sont plongés dans la morue. On voit plus le bateau, on voit que de la morue. Ouais. Et quatre marins plantés au milieu, et dont un qui regarde Anita. C'est une photo qui est très très très puissante aussi, ouais. Ça, par exemple. On a le sentiment que rien n'effrayait cette femme, pourtant pas très grande, assez menue. C'est une impression, elle surmontait sa peur et ses craintes, ou vraiment elle avait ce courage. Ouais, c'était quelqu'un de très courageuse. Sans faire de fanfaronnerie, sans faire de sottise, mais avec une assurance vraiment pleine, quoi, vraiment quelque chose de bien enraciné, comme sa culture, comme sa parole, on l'entend à sa voix, il y a quelque chose qui est parfaitement planté, et quand elle avait décidé d'entreprendre quelque chose, rien ne pouvait l'arrêter, sans faire de forcing en plus, voilà, avec souplesse. Peu de temps après que la guerre éclate, elle va passer quelques années dans les mers chaudes qui bordent l'Afrique. Vous allez nous raconter ce qu'elle va y faire dans un instant. C'est le fleuve où on envoie les fous, tous ces fous qui se mettent à nu, qui sont à bout, qui n'en peuvent plus de voir des fous partout. On y prend goût, mais je me passerai bien de lui, j'avoue. Il est saoul, il fait des bleus, il mène à bout, il pique les yeux, il me rend flou. C'est fou. Je me C'était Kerenan, le fleuve doux sur France Inter. Imaginez une longue plage de sable très blanc, quelques palmiers, quelques chaumières à toit pointu. Le guetteur annonce qu'il aperçoit les bélé-bélé. Bélé-bélé, cela veut dire gros, gros. Immédiatement, les pêcheurs sont en alerte. Tous ont les yeux brillants, le geste vif. Allons-nous attaquer des animaux extraordinaires? Ma foi, non. Ces bélé-bélé sont des céphaloptères, c'est-à-dire des raies, tout bonnement. Mais ce sont des raies géantes qui peuvent atteindre des poids de 2 à 3 000 kg pour une envergure de 7 à 10 mètres. Si elles sont classées comme céphaloptères, c'est par allusion à leur curieuse tête ornementée de deux nageoires assez longues, étroites, et qui évoquent des ailes, ou plutôt des cornes. Ce pourquoi on les nomme vulgairement raies cornues ou raies vaches. Ce matin, pour chasser la raie vache, nous embarquons dans une pirogue d'environ 6 mètres de long. Nous avons des harpons, de gros flotteurs amarrés sur des fils de baobab. Nous partons. Anita Conti, en chemin pour aller chasser la raie vache en Guinée en 1950. Laurent Giraud-Conti, on a vraiment souvent l'impression, quand elle raconte ses aventures, d'une bonne blague. Elle ne se prenait pas du tout au sérieux. Oui, elle a cette légèreté, ce détachement vis-à-vis d'elle-même, qui d'ailleurs qui mettait toujours l'autre en valeur. D'ailleurs, elle parle des raies, ça peut être d'un poisson, et c'est elle les incarne comme des personnes, voilà. Et elle a ce détachement comme ça d'elle-même, cette légèreté. Oui. Alors. Quand et pourquoi Anita Conti part pour l'Afrique? Après avoir vu ces eaux froides au large de Terre-Neuve, pourquoi va-t-elle Alors dans les eaux chaudes? Elle passe une dizaine d'années en Afrique, elle s'installe notamment en Guinée, et elle a approché l'Afrique à partir de 41 et 43, où elle a étudié le littoral et les zones de pêche au moment où on ne pouvait plus pêcher en Atlantique Nord dans les mers froides comme avant avec les Terre-Neuve et pour pêcher la morue. Donc faut se rabattre sur les zones chaudes avec des poissons dont on ne connaît pas bien les méthodes de traitement pour les conserver. Et donc Anita va faire les cartes de pêche et étudier les meilleures manières de les conserver pour continuer à alimenter les populations locales en Afrique et aussi en Europe, en France. Et donc elle va approcher l'Afrique pendant 2 ans à partir de bateaux, sans poser le pied à terre, pratiquement. Et puis, en 43-44, elle va étudier le littoral de la Guinée et du Sénégal et choisir de s'installer au Sénégal pour améliorer le régime alimentaire des populations locales. Parce qu'elle s'aperçoit que, pour des raisons de tabou, les poissons ne sont pas du tout utilisés ou mal utilisés. Et en même temps, c'est des zones qui méritent d'être étudiées pour voir comment se comportent les poissons, etc. Donc elle va étudier pour l'Office des pêches les différentes espèces de poissons et en même temps créer des pêcheries pour améliorer le régime alimentaire des populations locales. En utilisant le foie de certaines espèces, parce qu'on s'aperçoit qu'on manque du foie de morue, évidemment, par lequel on obtient les vitamines. Et donc, il y a d'autres espèces qui ont des foies très riches en vitamines qu'elle va traiter pour obtenir ces ressources. Donc là, il y a une envie peut-être d'être encore plus utile concrètement. C'est un peu de l'humanitaire qu'elle... C'est une action qui le mot n'existait pas encore à l'époque, mais c'est une initiative complètement qu'on pourrait classer sous cet ordre-là actuellement, absolument. Il y a aussi ce travail sur la conservation des poissons, le fumage, le salage. Sous quelle forme conserver ces poissons pour pouvoir les transporter sur des longues distances? Voilà, absolument, parce qu'on est dans des pays donc chauds et humides, et donc le poisson est très fragile dans ces conditions-là, donc il y a le séchage aussi, qui est très important. Alors voilà, c'est tout un tas de petites pêcheries qu'elle va encourager. Elle va encourager des petites tribus à installer une pêcherie ici, à utiliser celle. Et puis aussi de s'intéresser à telle et telle espèce. Et puis aussi, elle va commencer à entrevoir le fait que il y a des nations qui commencent à investir les zones de pêche pour pouvoir les traiter de manière industrielle. Et elle commence à alerter dès ce moment-là aussi qu'il ne faut pas faire ça en Afrique, sur ces zones-là qui sont très fragiles pour des raisons écologiques. Et donc, si on vient les piller, les ressources vont être délabrées. Et donc, elle encourage la pêche traditionnelle. Oui, c'est vraiment la pêche traditionnelle qui l'intéresse. Alors, elle s'intègre là encore à un univers finalement qu'elle ne connaissait pas, à la fois tout une culture et un univers différent. Même, on reste dans le milieu de la pêche, mais par rapport à ce qu'elle avait connu auparavant, c'est très différent. Capacité d'adaptation, toujours? Absolument. Et puis, capacité d'adaptation, mais aussi parce que ce qui l'intéresse, c'est le travail de l'homme. Et le geste, que ce soit le geste d'un homme blanc sur un bateau ou d'un homme noir sur une barque ou une pirogue, c'est la même chose. C'est un travail. C'est l'homme qui fait un effort, qui lutte pour sa vie, pour sa survie, pour alimenter sa famille. Et donc, ce geste-là de survie, la grande tragédie humaine, de lutter contre la faim, de pouvoir assumer une petite famille. Voilà, c'est ça qui la touche. Et que l'homme soit blanc ou noir, pour elle, ça, le geste est le même. Alors, son projet de mettre en place des pêcheries locales va faire long feu, problème de financement. Elle n'arrive pas, finalement c'est un peu un des échecs, un des regrets de sa vie, elle n'arrive pas à mener à bien ce projet-là. Oui, alors en plus il y a des circonstances. Il y a un nouveau gouverneur qui ne reconduit pas sa mission. Et d'autre part, son matériel et toute sa petite base, sa pêcherie qu'elle a créée à côté de Conakry, aux îles de Los, est balayée par une tempête. Et donc les deux événements additionnés font que, et un troisième qu'elle commence à soupçonner, la revendication des populations locales pour libérer de l'emprise coloniale de la France. Elle l'anticipe, on est à la fin des années 40, au début des années 50. Le truc monte et elle décide de tourner la page. Elle abandonne tout. C'est un petit peu comme la ferme africaine de Karen Blixen, sa grande ferme de café. Elle l'abandonne. Elle plaque tout et elle repart pour les mers froides. Alors, avant de repartir pour les mers froides, quand même, elle s'intéresse aussi. Elle a toujours cet intérêt scientifique pour les grands prédateurs, les grands requins notamment, qui évoluent dans les eaux chaudes. C'est tout un bestiaire qu'elle découvre et qui la fascine. Qui la fascine. Elle a une fascination effectivement pour les squales, pour les requins. Alors, dans certaines descriptions, elle décrit le requin, elle nage à côté d'eux, elle s'approche d'eux et elle les décrit d'une manière où petit à petit, elle s'identifie à eux, elle devient ce requin. Ouais. Ce qui, à l'époque, pour des naturalistes purs scientifiques, était très, très, très scabreux. En fait, c'est s'identifier à l'animal, avoir un peu d'empathie pour l'animal, même si c'est un requin, c'est vraiment important parce que c'est à partir de cette empathie-là qu'on comprend que l'environnement et les animaux et les plantes, quels qu'ils soient, font partie de nous et on fait partie d'eux. Elle raconte ce que doivent voir les requins, donc c'est un peu de la plongée avant l'heure. Elle nous fait du Cousteau qu'elle a rencontré d'ailleurs. Oui, d'ailleurs à ces époques-là, dans les années 45 en Afrique, et Théodore Monod aussi. Oui, Théodore Monod, ouais, alors qui est très connu pour les déserts, mais qui avait aussi cette passion et qui a recherché et qui s'est intéressé aux poissons. Et à l'époque, il était chargé aussi, lui, d'étudier aussi sur le littoral africain les espèces maritimes. Il avait une responsabilité à ce titre-là. Et toujours, Anita Conti prend beaucoup de photos. Ses clichés en Afrique révèlent des choses sur l'évolution de la biodiversité marine, comme le dit ici l'océanographe François Sarano. J'ai regardé les photos toujours tout aussi extraordinaires, ces clichés qui sont des témoignages uniques au monde. Donc j'ai vu ces photos ramenées de ces campagnes africaines et l'une d'elles m'est restée. C'est une photo sur laquelle on voit une dizaine de requins-tigres dont les plus gros avoisinent probablement 6 mètres. Et la légende de la photo, c'est « Retour de pêche à la pirogue ». Incroyable. Un seul requin-tigre aujourd'hui de 3 mètres ferait la une des journaux. Et donc ce témoignage montre que à cette époque, la mer était d'une richesse invraisemblable. Parce que pour, banalement, ramener d'une petite pêche à la pirogue autant de requins-tigres aussi gros, voulait dire deux choses. D'abord qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands requins, de grands poissons, et que l'écosystème était suffisamment riche pour supporter tous ces grands prédateurs. La présence des grands prédateurs signe le bon état de santé de l'écosystème. Et c'était quand ? Il y a 50 ans, 60 ans, on tombe par terre. En 60 ans, on a tout détruit. On a tout détruit. Et ces témoignages-là, parce qu'ils sont photographiques, ou nous ramènent dans le dur, dans la réalité, ce sont des témoignages indubitables qui disent « Ok, ben voilà ce que c'était ». L'océanographe François Sarano au micro de Camille Jusot dans l'émission Une vie, une œuvre de France Culture en décembre 2018. Laurent Giraud-Conti, en traversant le XXe siècle en bateau, Anita Conti a vu la biodiversité marine s'effondrer. Elle était visionnaire et elle a compris très vite, dès les années 30, des problèmes de surexploitation de l'océan. Elle rédige des articles dont le titre est La surexploitation des océans dès en 34 et du réchauffement des océans dès 39. Le phénomène est observé parce qu'on fait des comparaisons entre 36, 37, 38, 39. On s'aperçoit que depuis quelques années, il y a un réchauffement dans les eaux polaires. Donc voilà, tout un tas de phénomènes dont Anita rapporte le témoignage et en nous alertant des conséquences que ça pourrait avoir. Elle a pris conscience de ce qui était en train de se passer avant tout le monde et nous allons y revenir avec vous, Laurent Giraud-Conti, dans la dernière partie du Temps d'un bivouac. Come my love, come and shine with your light on me. Come and play with the chimes in the belfry. Come with me and hold me in your arms. Let me feel your tenderness and your warmth. When the rain is falling hard and the storm is far from over, my lady, that's you. You give me warmth in the night. You take away my sadness. Oh, lady, darling, it's true. I'll give my world to you. Let me show you how. Let me show you now. I long to hear your voice 'neath the night forlorn. You remain like a song in my heart and soul. When the rain is falling hard and the storm is far from over, lady, love, that's that's you. You give me warmth in the night. You take away my sadness. Oh, lady darling, it's true. I give my world to you. Let me show you. Earth and Soul, c'était Roseau et Ole Niemann dans le temps d'un bivouac. Qu'est-ce qu'on peut écrire à Nitakuti? Déjà, cher Nitakuti. Cher Anita Conti, un collège a été construit sur Saint-Nazaire qui porte ton nom. Les élèves eux-mêmes ont contribué à le choisir. Il te ressemble car on a mis en place une sonnerie spéciale. Elle a été conçue pour toi. En ton honneur, la fin des cours rime avec des cris de mouettes et des cornes de bruit. Des collégiens de Saint-Nazaire, fiers que leur établissement porte le nom d'Anita Conti. Nous sommes avec son fils adoptif, Laurent Giraud-Conti. Nous évoquons la vie et l'œuvre de cette pionnière de l'océanographie, photographe et écrivaine. Et elle est autodidacte, hein, Anita Conti. Qu'est-ce qu'elle aurait pensé, elle qui n'a pas fait donc de longues études, de voir qu'aujourd'hui, en France, 120 ans après sa naissance, il y a des collèges qui portent son nom et qui font la fierté des collégiens? Oh, elle aurait été enchantée parce qu'elle avait moi je l'ai vue avec en compagnie de classes qui lui rendaient visite ou des fois on a rendu visite à quelques classes. Elle avait un échange, une magie avec les enfants extraordinaire. Donc elle aurait été très très très fière de ça. Et puis alors cette image, cette image sonore m'évoque une phrase d'Anita, chère douce vieille vapeur, parce qu'elle a connu la transformation de ces bateaux à vapeur qui sont devenus en diesel. Et les marins avaient une nostalgie de chère, douce, vieille vapeur. Et parce qu'il y avait une finesse, une navigabilité beaucoup plus souple. Et voilà, puis le son de ces cheminées. Voilà. Ouais. Je disais qu'elle était autodidacte. Comment expliquer ce parcours? Elle n'a pas fait d'études et pourtant elle avait cette curiosité. Elle a eu envie d'apprendre toute sa vie. Elle a fait preuve de mille et une qualités. Alors parce qu'elle est née dans une famille quand même assez privilégiée, il faut le dire. Son père était donc un grand médecin arménien, c'est important à dire, Karakochian. Et pas d'études, mais des précepteurs qui accompagnaient et une nourrice. Enfin, on peut imaginer tout un bagage. Et puis un oncle, un grand-père avec 30 000 livres dans la bibliothèque. Anita a croisé Pierre et Marie Curie. Enfin, il y avait un contexte quand même qui était bien enraciné, bien solide. Alors on l'a vu dans cette émission, elle a suivi des pêcheurs dans différents océans de la planète avec une fascination pour cet univers. Mais très vite, elle va alerter sur la nécessité de préserver les ressources de l'océan. Le navire, soigné par tous les membres de l'équipage, forme un corps vivant qui n'a qu'une passion, c'est vouloir réussir. Réussir, c'est rapporter, pour des marins de la pêche, c'est rapporter des cales pleines. On rapporte tout ce qu'on peut, on pille tout ce qu'on peut dans la mer. Mais alors, ça attire maintenant des prévisions pour l'avenir qui sont tout à fait bouleversantes. Aujourd'hui, après 20 ans d'observation méthodique par tous les navires de toutes les stations de recherche scientifique du monde entier, on arrive à cette conclusion assez inquiétante, c'est que l'océan est vulnérable, que les espèces marines ne se reproduisent pas d'une manière considérable, et que si vous faites des ponctions trop profondes, trop puissantes, trop importantes dans des masses animales, le renouvellement ne s'effectue pas. Alors, comme l'accroissement numérique accéléré de l'espèce humaine nous fait espérer qu'on tirera beaucoup d'aliments de l'océan, eh bien nous avons en même temps, après la recherche scientifique de ces 20 ou 30 dernières années, la certitude que l'océan ne peut pas répondre à nos espoirs si nous continuons à piller l'océan d'une manière sauvage. Anita Conti, en 1984, dans l'émission Échappée Belle de France Culture, elle a vu, c'est ce qu'on disait, elle a vu avant tout le monde, son discours est d'une incroyable modernité. À partir de quand elle prend conscience de ce risque d'effondrement des stocks de poissons? Pour moi, c'est dès les années 30. Elle l'écrit, hein, on peut retrouver les articles de journaux de l'époque. On peut retrouver aussi dans ses livres qui ont été écrits donc à partir des années 50, entre les années 50 et les années 70. Mais ce sont, quand on voit comment elle a procédé à écrire ses livres, elle s'appuie sur des notes prises précédemment. Et donc, vraiment, c'est une prise de conscience qu'elle a réalisée très tôt et qu'il ne l'a jamais quittée et qu'elle a toujours proclamée. Aujourd'hui, il n'y a plus de morue, de poissons au large de Terre-Neuve. Les stocks se sont reconstitués, on a un peu allégé. La pêche à la morue a été fermée, je crois, en 89, 10, par là, au large du Canada, sur toute la zone de Terre-Neuve. D'après ce que j'ai entendu dire, parce que moi, c'est pas du tout un secteur sur lequel j'ai une spécialité, mais en tout cas, ce que j'ai entendu, qu'il y a un renouvellement des stocks, un petit peu, mais la pêche est toujours fermée. Alors, on continue à pêcher de la morue dans l'Atlantique au large, ou vers le nord, au Spitzberg. Mais effectivement, on voit bien sur l'étal des poissonniers, les morues sont beaucoup plus petites maintenant. Elle alerte contre le pillage, mais aussi contre le gaspillage. À bord du Bois Rosé, le bateau de pêche sur lequel elle a embarqué dans les années 1950, elle revenait de 10 ans d'Afrique où elle avait vu des gens mourir de faim ou en tout cas souffrir de malnutrition. Et elle voit qu'à bord de ce bateau, quand un poisson n'a pas une bonne tête, on appelle ça du faux poisson, on le rejette à l'eau, mort, sans nourrir personne, et ça l'écœure, ça la scandalise. Ouais, ça la scandalise. Et oui, parce que bon, c'est très pratique, les marins pêchent de la morue, ils la traitent d'une certaine façon, s'ils ont un autre poisson qui doit être traité autrement, c'est une perte de temps, donc on rejette l'autre poisson. Et donc, elle alerte dans les années 60, elle fait une campagne de presse pour alerter donc du gaspillage pour tout ce qui est faux poisson. Et notamment, à l'époque, le poisson sabre est un poisson qui n'est pas pratique du tout. C'est un poisson, donc, comme son nom l'indique, en forme de sabre, comme une épée, qui est très beau maintenant quand on le voit sur l'étal des poissonniers. Mmh. C'est un poisson qui brille, qui est très métallique. Et donc, elle encourage les marins à bord d'un navire à conserver ce poisson. Elle prévient les marailleurs et la presse. Et elle fait une campagne de presse pour alerter que ce poisson est intéressant et c'est bête de le rejeter puisqu'on l'a dans les filets. Voilà, donc elle crée une chaîne comme ça d'information. C'est un lance-alerte, quoi, voilà, à l'époque. Lanceuse d'alerte. Avant l'heure. Anita voilà. Conti s'est éteinte le 25 décembre 1997 par une nuit de grande tempête. Vous l'avez côtoyée dans les dernières années de sa vie. J'étais à côté, oui. Quel regard portait-elle sur sa vie, sur cette vie pleine que l'on vient d'évoquer? Elle avait des regrets, des fiertés? Non, elle disait, elle avait une formule qu'elle appliquait dans plein de domaines. L'horizon recule à la mesure que l'on avance. Donc, c'est une formule qu'un marin va bien comprendre, mais on peut l'appliquer à sa vie aussi. Hein. On avance, mais ce vers quoi on se dirige recule à la même mesure. Donc c'est voilà, il y a quelque chose qui nous échappe de toute façon, de toute façon. Quel livre vous conseilleriez pour découvrir ou redécouvrir l'œuvre d'Anita Conti? Alors, on a cité son best-seller « Racleur d'océan ». Vous voulez nous en citer un, peut-être un peu moins connu? Ah oui, il y a « L'océan, les bêtes et l'homme ». C'est le dernier livre qu'elle a rédigé dans les années 70. Et qui en fait s'appuie sur des notes, des observations du passé qu'elle réactualise à l'éclairage du présent et elle fait des comparaisons. Et en plus il y a des passages à la fois de récits très avec l'aventure, ça souffle, et en même temps avec des pensées qui viennent appuyer un raisonnement. Et vraiment c'est un très très beau livre. Et puis il y a ce récit inédit que vous avez publié chez Payot, le Carnet Viking, 70 jours en mer de Barents, qui revient donc sur cette période 1939. Merci Laurent Giraud-Conti. Merci à vous. Demain, nous partirons explorer l'univers avec l'astrophysicien Hervé Dole et à 17h, nous entamerons la traversée du plus grand désert chaud de la planète, le Sahara. À demain donc pour de nouvelles aventures et après le journal, vous avez rendez-vous avec Anna Sigalevitch pour son mag de l'été.